Bonjour, ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. Au nom des citoyens de Normandin, je suis très fier de féliciter M. Gilles Bouchard, un Normandinois d'origine, actuellement entraîneur-chef et directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda, pour son magnifique travail. Je voudrais également le féliciter pour son titre d'entraîneur-chef et de directeur général de l'année de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Les citoyens de Normandin sont très fiers de M. Bouchard et nous lui souhaitons la meilleure des chances pour la suite des choses. Merci. Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et la forêt. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien sait ce que représente la forêt. La coopérative représente plus de 35 camionneurs, transporteurs et chargements de bois, ainsi que des chargeuses en forêt. Les bureaux de la coopérative de camionnage sont situés au 905 boulevard Amel Saint-Félicien. Pour les rejoindre, composez le 418-679-4194. La coopérative de camionnage est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et la forêt. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont été invités hier le match suicide et ça doit certainement plaire à l'instructeur chef Gilles Bouchard qu'on rejoint à Red Deer. Salut Gilles! Bon, Gilles, effectivement, hein, je pense que quelque part, ça doit plaire beaucoup que de ne pas avoir à jouer ce match suicide-là. Écoute, c'est certain que nous autres, là, la meilleure situation, c'était de directement à demi-finale. Sauf que, en même temps, si nous avions eu un jeu à soir, on serait concentré sur la game de soir, ça c'est sûr et certain. Mais en même temps, écoute, on suit le destin, puis là, on est en demi-finale contre le Dieu demain. Puis nous autres, ben, notre mandat, c'est d'avoir notre revanche. Ils nous ont battu 5-2 l'autre jour, fait que c'est nous autres d'être prêts demain, puis vivre dans le moment présent, pas penser à la possibilité d'aller en finale dimanche. Il faut se concentrer sur la game de demain. C'est ça qui est primordial pour nous. OK. Red Deer, le fait que c'est à la maison, certainement que ça va être, vous allez jouer en territoire hostile, à quelque part, là. Oui, exactement. Écoute, ils vont être devant leur partisan. OK. Sauf qu'en même temps, je pense que nos gars vont être prêts, là. Oui, il y a beaucoup de monde, mais en même temps, c'est pas la même ambiance qu'il y a à Rouyn-Noranda, ça je peux te le confirmer. Mmh. C'est que, écoute, on embarque sur la glace, jouer une game d'hockey, puis on est habitué de jouer à l'extérieur. Ça ne devrait pas être un inconvénient. OK. Parle-moi maintenant de ces indisciplines-là, parce que surtout dans les premiers matchs, est-ce que tu attribues ça peut-être à la nervosité des jeunes? Coupe Memorial, c'est gros, c'est à la télévision nationale, c'est pas du tout la même préparation. Est-ce que le fait que... est-ce que les pénalités de l'indiscipline, est-ce que ça, tu peux attribuer ça? Ouais, ben les gars veulent bien faire, puis en même temps, ben là, il est arrivé des situations qu'il y a eu des punitions que c'était des calls un petit peu bizarres, là, sauf que en même temps, comme il mentionnait, les joueurs pour que ça ajuste avec les standards de l'arbitrage ici. Fait que sauf que c'est quand même spécial. Là, tu sais, nous autres, là, la veille hier, il y a eu 18 punitions dans le match. Mm. Puis dans le match d'hier, il y en a eu seulement 5. Fait que tu sais, c'est un écart là, considérable, sauf qu'en même temps, je pense que les gars prennent de l'expérience là-dedans, puis ils s'améliorent. Puis nous autres, ce qu'on voulait, c'est s'améliorer, être meilleur de match en match, puis je suis certain que demain, on aura une bonne performance. Parle-moi en terminant de la préparation. Est-ce que c'est différent pour un entraîneur, la préparation de la Coupe Memorial d'un match comme demain soir contre Red Deer, à un match, exemple, des séries éliminatoires? Écoute, c'est un match en lendemain demain, là. On est conscient de ça. Fait que c'est un match qu'on peut pas se permettre de perdre. Puis, tu sais, on est confiant que faut jouer dans notre identité. Tu sais, contre London, on a joué dans notre identité, on a joué le Husky Game pendant 60 minutes. Sauf que, tu sais, il y a eu beaucoup de punitions dans ce match-là qui a causé le momentum. Mm. Mais contre London, on a prouvé en dessous de que nous autres, on pouvait battre n'importe qui au Canada. Puis à 55 London, je pense qu'on nous a passé un message que si jamais on les repogne, on va être prêt à jouer contre. C'est une grosse machine, les Knights de London, hein? Oui, beaucoup de skills, beaucoup de vitesse. Mais en même temps, ça ressemble à notre équipe. Puis le match qu'on a joué contre eux autres, si tu avais été là, tu aurais vu que le rythme, la vitesse du jeu était à 55. Okay. Gilles Bouchard, un gros merci. On s'en reparle après la Coupe Memorial. Ouais, pas de problème. L'instructeur chez les Huskies de Rouyn-Noranda, Gilles Bouchard.